Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 22. Histoire de la robotique. Vie quotidienne. Les Japonais sont en train de fabriquer des animaux familiers robotiques, dotés d'intelligence artificielle. Cependant, les médecins pensent que ces robots sont bien plus que de simples jouets et qu'ils peuvent également faire office de compagnons pour les personnes âgées se sentant seules, enfermées chez elles. À Osaka, Tomoko Komiyama, une femme âgée de 74 ans, a participé à une expérience liant l'homme à la machine. Elle a été pendant une année en compagnie d'un appareil en forme de koala appelé Wandakin. Quand j'ai regardé ses grands yeux bruns, je suis tombée amoureuse après des années de solitude, a exprimé Tomoko, qui vit seule. Des publications récentes font état d'études pour rendre les robots plus conviviaux, ou pour améliorer la coopération et l'acceptabilité par les humains d'avoir des robots comme partenaires sociaux. Des exercices de tai chi se pratiquant à deux sont proposés par le docteur Pollick pour tester la coopération harmonieuse dans un mouvement commun, entre un humain et un robot humanoïde. Bien sûr, les voitures gagnent en autonomie et l'on n'est pas loin du taxi sans chauffeur, ce qui est déjà expérimentalement réalisé sur des routes balisées ou sur des autoroutes. Fin de cette 22e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.